Les fêtes en France. Прослушайте текст и перечислите праздники, которые в нем упоминаются. En France, on célèbre les anniversaires de naissance et de mariage, comme dans tous les pays. Dans certaines familles, on célèbre aussi la fête, qui est le jour du saint dont on porte le nom. Paul, Marc, Jeanne, etc. La fête des mères est généralement en mai et la fête des pères en juin. De plus, on célèbre beaucoup de fêtes religieuses qui sont des jours fériés. La Pentecôte, la Toussaint, l'Ascension, Pâques. Mais il y a aussi toute une tradition de fêtes populaires et folkloriques. Certaines sont d'origine religieuse, d'autres remontent à des traditions régionales. Certaines célèbrent des événements politiques ou historiques. La plus célèbre est la fête du 14 juillet, qui célèbre la prise de la Bastille en 1789 et le début de la Révolution française. Pendant ces fêtes, chaque ville, chaque village est décoré. Il y a aussi des fanfares, des bals et des feux d'artifice.